jugé, purifié l'âme. Maintenant Dieu a vaincu le pouvoir de Satan. Dieu a conquis et gagné un groupe de personnes. Louons Dieu sage et puissant. Il a battu Satan. Oh, oh, oh.